Ok, hop, je fais ça, j'arrive. Je regarde juste, attaque, direct. Oui, bah moi c'est bon, moi aussi. Prout. Ah non, pardon. Je me disais, tu l'as fait super vite. 3, 2, 1. Prout. On l'a dit en même temps chez moi. Let's go. Pika pika Pikachu. Salut, pardon. Salut tout le monde. Bah ouais. Salut, toi, j'ai fait oublier ton prénom déjà depuis tout à l'heure. Adri Gnap. Adri 2, du Battle 2. Bon. Bonsoir, Adrien. Bien, je viens de boire du thé là. Oui, on a appris du coup que j'ai. Zut, attends, j'ai plus la bonne page. Ah si, ça m'a mis les mauvais trucs. Ok, j'ai scrollé en bas du truc et ça me mettait d'autres trucs qui avaient rien à voir. Oui, alors c'était le 29 mars, on a appris qu'il y aurait une nouvelle histoire audio originale Star Wars, mais pas n'importe laquelle, Star Wars, la Haute République. Comme la première qui était Dooku Jedi Lost, elle est écrite par Kevin Scott, qui du coup participe activement à la Haute République. Et cette fois-ci, le personnage sera encore une fois un vilain. Si on considère que Dooku est un vilain, évidemment. Même si, enfin, à l'époque, bon, merde. Attends, ça restera encore sur un vilain, et pas n'importe lequel. Lornadi, qui est, comment tu as dit que ça se disait déjà en français? Qui est Maître Tempête chez les Nihil, les méchants de la Haute République. Enfin, certains des méchants. Et donc, cette nouvelle histoire s'appellera Tempest Runner, qui est du coup son nom en anglais. Enfin, son titre en anglais, qui est. Merde. Qui est Maître Tempête, mais en anglais. Il y a un tout petit. Comment ça s'appelle? Un tout petit synopsis qui est fourni avec, qui dit que nous allons suivre la vilaine Lornadi, leader parmi les Nihils, qui regarde toujours par-dessus son épaule en cas de à l'affût de. Attends, threat, c'est quoi? À l'affût de toutes les menaces, qu'elles viennent des Jedi ou des Nihils eux-mêmes. Elle n'a pas été traduite en français, évidemment. C'est du coup, c'est un audiodrama en fait. Hein. C'est enfin, c'est un mélange entre audiodrama et livre audio. Et en fait, c'est compliqué de faire une traduction de ça. Par contre, Doku Jedi Lost vient de faire une version papier, de faire une version livre. Donc peut-être que ce sera traduit et du coup que ce sera aussi le cas pour Tempest Runner. On verra bien. Mais voilà, pour les personnes en tout cas qui savent écouter en anglais, n'hésitez pas quand ça arrivera. Ils n'ont pas donné de date encore. Mais n'hésitez pas, parce que tout ce qui est audio Star Wars, tout ce qui est audio Star Wars, c'est toujours de très très bonne qualité. Donc voilà. Oui. Pardon, j'ai lu trop vite. Oui, payez-nous et on le fera avec plaisir. Non, c'est très long, c'est très long. Ah merde, c'est vrai, j'ai pas vu que Matt il disait des trucs. Bonjour tout le monde! Comment vous allez, les sacs à merde? Des heures à l'écouter. Oui. Oui, parce qu'il y a autre chose d'autant plus important, voire même encore plus important, qui a été annoncé cette semaine, mon petit bonhomme. Anakin. Eh bien, Joel Edgerton et Bonnie Pierce qui reviennent dans les rôles de Owen et Beru Lars, l'oncle et la tante d'un petit bonhomme qui rêvait d'aller dans les étoiles. Simone. Dans le rôle de Han. Ouais, et ça va être, je pense, intéressant de voir les dynamiques et quel rôle joueront chaque personnage. Effectivement, j'ai vu quelqu'un dire que Rupert Friend, par exemple, il avait une bonne tête d'impérial. Et j'avoue que C'est le seul qui, de ceux qu'on connaît pas encore, dont on ne connaît pas encore le rôle, envoie une grosse vibe impériale, je suis d'accord. Mais les autres, vraiment, gros mystère. Ah oui, c'est vrai. Oui. Elle joue avec des sabres laser. Putain, je viens de voir la pire take. Putain, je vais te partager ça. J'arrive. J'envoie ça dans le vocal privé. Ils sont complètement cons. Ah non, nous on veut que des vieux personnages, ok? Ah ouais, bon, ce sera bien ça. Vas-y. C'était hier, je crois. Hein. Oui, un trailer qui en gros sert bien pour poser les bases hein, pour les personnes qui auraient pas suivi de qui sont le Bad Batch, qui présente un peu tous les membres, que ils sont pas là pour rigoler, mais quand même un peu, et que qui sont là pour comment on dit et qui sont là pour botter des culs quoi. Et on voit certains personnages connus aussi. Ouais. Tarkin. Tarkin qui a l'air d'être l'antagoniste principal de la série, en tout cas c'est lui qui va mettre en place certains événements du scénario, on dirait. Oui. Ouais. Omega. Non, en vrai, elle est efficace, hein, elle est super cool, la bande-annonce. C'est juste que, comme on savait pas trop les choses sur Omega au début, on a commencé à avoir les pires craintes. C'est-à-dire qu'il y a certains produits Star Wars qui ont laissé des traces. Hein. du coup, il y a certains éléments, on les voit, on se dit, oh non, est-ce que ça va être un retcon de ça ou un backstory de tel truc. Mais c'est cool de voir que ça va être plutôt sympa. Et d'ailleurs, si on regarde le planning de Disney+, on peut savoir que a priori, ça sera en 6 épisodes, cette série. Puisque le 11 juin, je crois, arrive déjà... Non. Fin juin, je sais plus. En juin arrivera déjà Loki, et en général, là, depuis la sortie de Disney+, ils font jamais d'overlap entre les séries. Ils en font une, elle se termine, ils enchaînent avec une autre, elle se termine, ils enchaînent avec une autre. Du coup, voilà, il devrait y avoir à peu près 6 épisodes pour le Bad Batch, avec un premier épisode de 70 minutes le 4 mai. Ouais. Oui. C'est tout à fait exact. Ah, on fera des épisodes de ça, mais super, je savais pas moi. Pardon. Bah non, mais ok, et du coup, vous pourrez nous retrouver. Pour l'occasion, on fera des reviews. Ce sera the Bad Millennials, je sais pas, ou The Millennial Batch. On n'a pas encore commencé à bosser là-dessus, mais ouais, on va faire des reviews comme on avait fait avec le Mandalorian. Et merci beaucoup, évidemment, à Matt, hein, pour tout son travail. C'est lui qui a voulu qu'on fasse ces épisodes de review, et vraiment, on l'adore. Avec ton petit zizi de statue grecque. Oui, c'est cool. Oh, déjà. Oui, merci à toi de mener cette barque de faut qu'on en parle avec tant d'aplomb et de talent, mon bébé. Oh, et n'oubliez pas, il y a aussi eu la sortie de une épreuve de courage. On a oublié. Il va y avoir d'autres tirages. Pocket a déjà annoncé. Désolé, je t'ai pris de court. Bisous. Bisous sur la zigounette de Matt. Oui. Ta gueule. Non. Salut.